Entre alors un autre comédien. Noir pensé, bras dispo, drogue prête, heure favorable. L'occasion complice. Pas une créature qui regarde. Mixture infecte, extraite de ronces arrachées à minuit, trois fois flétrie, trois fois empoisonnée par l'imprécation des quatre. Que ta magique puissance, que tes propriétés terribles ravagent immédiatement la santé et la vie. Il verse le poison dans l'oreille du roi endormi. Hamlet. Il empoisonne dans le jardin pour lui prendre ses états. Son nom est Gonzague. L'histoire est véritable et écrite dans le plus pur italien. Vous allez voir tout à l'heure comment le meurtrier obtient l'amour de la femme de Gonzague. Ophélia. Le roi se lève. Hamlet. Quoi ? Effrayé par un feu follet. La reine. Comment se trouve monseigneur ? Polonius. Arrêtez la pièce ! Le roi. Qu'on apporte de la lumière, sortons ! Tous. Des lumières, des lumières, des lumières ! Tous sortent, excepté Hamlet et Horatio. Hamlet. Oui, que le daim blessé fuit et pleure, le cerf épargné, folâtre, car les uns doivent rire et les autres pleurer. Ainsi va le monde. As-tu remarqué Horatio ? Parfaitement, monseigneur. Quand il a été question d'empoisonnement, je l'ai parfaitement observé. Ha ha ! Allons, un peu de musique.